Chapitre 3. Vous partiez sans me prévenir, monsieur Darcy. C'est contraire à toutes nos conventions. Jacques abandonna la valise qu'il casait dans le speeder de la voiture en entendant la voix de Marianne sèche et dure. Je... Aussi bien, vous pouvez partir maintenant, coupa la jeune fille. L'affaire que je vous avais confiée est arrivée au point précis où je voulais l'amener. Tout votre bagage est descendu ? Oui. Jacques était subjugué par l'autorité de la jeune fille. Il tenta pourtant une révolte. Mais Brigitte ! Je la préviendrai moi-même que vous êtes partie seule. Enlevez ces valises que je donnerai l'ordre de remonter. Et comme Darcy semblait hésiter, Maria ordonna. Vite, si vous voulez éviter le scandale. Le hall de l'hôtel est plein de monde. Elle était d'un calme effrayant et Jacques obéit sur le champ, tandis que la jeune fille demandait « Brigitte est chez elle ?»« Oui, elle attend que j'aille l'avertir dès que les bagages seront casés. » »« Eh bien, c'est fait. Partez. Cette voiture est la vôtre ?»« Non, celle d'un ami. Nous devions la lui laisser ce soir à Saint-Raphaël. » « Vous ne manquerez pas à votre parole, ni vis-à-vis de votre ami, ni vis-à-vis de moi. Partez ! Mais partez donc !» Et quand Jacques eut démarré, Blême, incapable de réagir devant cette jeune fille menaçante, Marianne pénétra dans le hall, se fit indiquer la chambre de Brigitte, où elle frappa le cœur battant. « Entrez, Jacques, je suis prête !» cria une voix joyeuse. Depuis la veille, depuis le baiser dans les jardins du casino, Brigitte vivait dans un état d'exaltation heureuse qui ne lui avait pas permis de prendre une minute de repos. Jacques lui avait dit qu'il l'aimait et quand il avait proposé de partir dès le lendemain, elle avait tout de suite consenti. « Il y a trop de monde ici, avait dit Jacques. Je connais un petit coin près de Saint-Raphaël où je vous aurai tout à moi, loin des yeux indiscrets. » Je peux emprunter la voiture d'un ami, je sais qu'il est ici ce soir. Laissez-moi arranger cela. » Il y avait eu un autre baiser, très long, très doux, et Brigitte était rentrée seule, refusant que Jacques retarde de quelques instants la préparation de leur fuite. L'ami dont il avait parlé était ce Jean-Louis que Claude avait nommé à Marianne le soir du gala, et, Jacques parti, Jean-Louis avait bavardé. « Il est bien pincé pour sa Brigitte, notre Darcy. Il part avec elle demain matin et je leur prête ma voiture. On dirait vraiment le grand amour. De Jacques, cela m'étonne, mais enfin, tout arrive. » Et Claude, innocemment, avait rapporté l'histoire à Marianne. Sans Claude, tout échouait. Maintenant, Marianne touchait au but. Elle allait enfin savourer cette vengeance qu'elle attendait depuis 5 ans, 5 mortelles années de souffrances cachées et toujours lancinantes. « Entrez, Jacques, je suis prête !» avait crié Brigitte. Marianne poussa la porte, disant tout de suite « Jacques ne viendra pas !»« Marianne, toi ?» Les deux exclamations s'étaient croisées et Brigitte n'avait pas compris les premiers mots prononcés par sa visiteuse inattendue. « Oui, moi, j'ai à te parler. »« C'est que le moment n'est guère aux explications, » fit Brigitte gênée. « Je pars dans quelques instants, j'attends. »« Tu n'attends personne, Jacques est parti. »« Quoi ? Que dis-tu ? » ?»« Jacques est parti, » répéta Marianne imperturbable, tandis que Brigitte se précipitait vers le téléphone. « Inutile, » fit Marianne s'interposant. « Moi seule peux te donner des explications. Assieds-toi et écoute-moi. » D'une main de fer, elle forçait Brigitte à s'asseoir et commençait, calme seulement en apparence. « À cause de toi, j'ai souffert dans ma chair et dans mon cœur, et depuis 5 ans, je n'ai qu'une idée, me venger. C'est fait puisque tu sais depuis quelques instants ce que peut ressentir une femme qui aime et qui se voit abandonnée, car tu es abandonnée, Brigitte. Jacques Darcy ne reviendra pas. Il ne t'aime pas, il ne peut pas t'aimer. Il m'aime, je le sais, il me l'a dit, il y a des élans qui ne trompent pas. » Marianne ménageait ses effets, savourant sa vengeance. Elle reprit, cinglante, « Ces élans, comme tu dis, il les a monnayés. Je l'ai payé pour qu'il te fasse la cour et il disparaît maintenant à jamais. » Brigitte s'était dressée, les yeux fous. « Ce n'est pas vrai! Tu n'as pas fait cela! Le payer pour! Oh non, ce n'est pas vrai !» Facile de te donner des preuves. Voilà les talons d'échec que je lui ai donnés pour qu'il t'offre des déjeuners d'amoureux et j'ai payé ses notes d'hôtel par-dessus le marché. Marianne sortait de son sac son carnet de chèques, l'étalait sous les yeux de Brigitte éperdue. Jacques, murmura-t-elle, comment a-t-il pu se prêter à pareille comédie? Il est joueur, ma chère. Je suis arrivée au bon moment, moi et mes chèques. Tu n'avais pas le droit de faire cela, pas le droit. Brigitte hoquetait, secouée de sanglots, dans le fauteuil où elle s'était écroulée. Et Marianne, la justicière, la regardait sans pitié. « Avais-tu le droit, toi, de briser mon bonheur comme tu l'as fait ?» demanda-t-elle. « Cela n'a rien de commun, seul le hasard a tout fait. Tu as refusé de savoir. »« Je ne sais qu'une chose, j'ai souffert abominablement dans mon amour et dans mon orgueil, dans mon amitié aussi, car tu étais mon amie. Et j'ai voulu que tu souffres aussi, que tu comprennes ce que peut être un amour bafoué, sali, car tu l'aimes. » « Bien sûr, je l'aime, et il m'aime aussi, j'en suis sûre. » « Non, je l'ai payé, je te le répète, pour qu'il te laisse croire qu'il t'aimait. »« Va-t'en, Marianne, va-t'en, tu es vengée, cela doit te suffire. Laisse-moi souffrir en paix. » « Non, je ne partirai pas. Je veux te voir malheureuse, me repaître de ta peine, me payer des années de souffrances passées et de celles qui me restent encore à endurer, car c'est pour la vie que j'ai été meurtrie, pour la vie, tu entends ? Et je souhaite ardemment qu'il en soit de même pour toi. Quand j'ai connu Gérard, je lui ai donné un cœur entier, tout neuf, passionné, capable d'un unique amour. Je ne connaissais rien de la vie, de ses laideurs. J'avais la sottise de croire qu'elle me serait épargnée. » Marianne eut un rire amer avant de reprendre tout de suite. « Et d'un seul coup, et quel coup, j'ai tout appris. La mort n'a pas voulu de moi. Tant pis pour toi, tu paies, tu paieras encore, Brigitte. Non seulement tu as aimé un être indigne de toi, un être que tu ne reverras jamais, car tu le méprises, même si tu l'aimes encore. » « Tais-toi, Marianne, par pitié !»« Tu oses invoquer ma pitié ? Je t'ai dit que mon cœur était mort, fermé à tout ce qui peut être bon. Et c'est ton œuvre, Brigitte. Si, il y a 5 ans, tu avais su te tenir à ta place, nous serions sans doute aujourd'hui mariés toutes les deux. Nos enfants joueraient ensemble au pignon. Tu ne pleurerais pas la fuite d'un Jacques Darcy, tu... » Mais Marianne s'interrompit enfin. Brigitte, inanimée, venait de glisser sur le tapis. Marianne eut tout d'abord l'idée de s'enfuir, de laisser Brigitte à son destin, aux forces mauvaises qui venaient d'être déchaînées, mais une pensée tout à coup lui vint. Si Brigitte, tout à l'heure, s'avisait d'imiter son propre geste après l'autre drame, elle cesserait de souffrir et Marianne estimait que sa vengeance aurait été trop courte. Le premier choc était rude, certes, mais il ne pouvait se comparer à la fuite lente des heures, des jours, des années, occupées par cette seule pensée, toute une vie brisée. Et Marianne eut les gestes qu'il fallait, les gestes pitoyables qu'elle avait dit impossibles tout à l'heure, mais que dictait seule sa vindicte. Agenouillée auprès de Brigitte, elle baigna d'eau de Cologne les tempes blêmes, les mains glacées et, l'évanouissement se prolongeant, la jeune fille demanda du secours par le téléphone intérieur. Quand Brigitte ouvrit les yeux, elle ne reconnut pas tout d'abord l'endroit où elle se trouvait. Et cependant, le décor lui était familier. Ne bouge pas, Brigitte, tu vas mieux. » La voix de Marianne, la voix amicale et tendre d'autrefois. Brigitte était au pignon. Elle essaya de soulever sa tête si lourde, tout endolorie, mais elle retomba. Comme elle se sentait faible, et la douce voix reprenait encore. « Ne bouge pas, Brigitte, je t'en prie, il faut que tu dormes maintenant. Tu parleras plus tard, je t'expliquerai. » Un peu plus tard, la jeune fille devait apprendre que sa tête ayant porté sur un objet dur et son évanouissement devenant inquiétant, un médecin avait été mandé qui avait décelé les premiers symptômes d'une fièvre cérébrale. Brigitte ne pouvait rester à l'hôtel et Marianne avait tout simplement fait transporter son amie au pignon. Cette maladie imprévue servait ses plans. Ainsi, Brigitte resterait sous sa coupe. Ainsi, elle jouirait davantage de son œuvre néfaste en laissant croire à Brigitte qu'elle avait pardonné. Marianne soigna Brigitte avec vigilance et dévouement. Et quand, enfin, la malade fut hors de danger, Marianne lui dit « Il faut, Brigitte, que plus rien d'amer ne soit dit entre nous. J'estime que nous sommes quittes. Considère seulement que tu es en vacances ici, comme autrefois, des vacances que tu peux prolonger aussi longtemps que tu le voudras. Ta santé l'exige d'ailleurs. Ce n'est pas avant quelque temps que tu pourras reprendre tes voyages incessants, et Paris, l'hiver, ne te vaudrait rien. D'ailleurs, où irais-tu ? Les pignons sont ta maison autant que la mienne. » Des larmes coulaient sur les joues pâles de Brigitte, trop faibles encore pour réagir ou protester. Marianne avait raison, où irait-elle ? « Merci, Marianne, » dit-elle en lui tendant la main. « Plus jamais, je te le promets, nous ne parlerons de ceux qui nous a dressés en ennemis si longtemps. » La jeune fille fut longue à se remettre. Tout comme son amie 5 ans auparavant, elle déplorait de reprendre pied dans la vie, car elle ne pouvait oublier Jacques Darcy. Jacques, comme elle l'avait aimé, comme elle l'aimait encore, était-il possible qu'il se fût ainsi moqué d'elle ? Elle avait du mal à le croire. La jeune fille se rappelait aussi cette conversation qu'elle avait surprise entre Jacques et son ami Jean-Louis. Elle était enfoncée dans un club, absolument invisible, et il s'était arrêté tout près d'elle, ignorant sa présence dans le hall de l'hôtel. « Tu sais que Maryse se plaint amèrement de ton lâchage, » disait Jean-Louis. « Elle se consolera facilement. Si c'est un chèque qui lui manque, je le lui enverrai dès mon retour à Paris. Tu peux lui dire que j'en ai par-dessus la tête d'elle et de toutes ses pareilles. » « Sans blague, tu deviens sérieux ? J'y suis décidé. Le grand amour ?» Brigitte n'avait pas entendu la réponse car les deux amis s'éloignaient, mais elle avait éprouvé une grande joie, sûre de l'amour de Jacques. Et maintenant encore, elle inclinait à croire que Darcy l'aimait vraiment. Mais le doute reprenait le dessus. S'il avait aimé vraiment, il n'aurait pas craint de braver Marianne. Il aurait tout avoué à elle, l'aimer. Au lieu de cela, il était parti, seul, sans un mot, sans un regret peut-être, oublieux de ses premiers baisers. Allongée sur une chaise longue, dans sa chambre ou dans le parc, Brigitte ne cessait de songer à Jacques. Comme elle avait mal, et comme Marianne avait dû souffrir autrefois. Elle s'en rendait compte maintenant et le remords de voir son amie si empressée auprès d'elle, si attentive, s'ajoutait à sa peine. Elle eût voulu demander pardon, mais chaque fois qu'elle voulait parler, il semblait que Marianne devinait ses pensées et qu'elle s'arrangeait pour engager une conversation d'un tout autre ordre. Avec une attention aiguë, Marianne, en effet, épiait Brigitte. Elle la voyait souffrir sous ses yeux. C'était ce qu'elle avait voulu, et pourtant, elle n'en éprouvait aucune joie. Elle était vengée, non apaisée, car la peine de Brigitte n'allégeait pas la sienne. Au plaisir brutal qu'elle avait goûté au Negresco après le départ de Darcy, et pendant la scène où elle avait révélé son rôle aux dieux, avait succédé un vague malaise. Nature franche et droite, impulsive jusqu'à la brutalité parfois, Marianne éprouvait une vague honte de simuler de l'amitié pour sa victime. Simulait-elle vraiment ? À certains moments, elle avait des élans sincères vers Brigitte. La vieille amitié qu'elle croyait morte puisait une vitalité nouvelle dans la faiblesse de la convalescente, dont la reconnaissance était parfois lourde à Marianne. Les souvenirs des grenets à longueur de journée amenaient parfois le même rire sur leurs lèvres. Et Marianne se reprochait parfois d'avoir amené Brigitte au pignon. Croyant prolonger sa vengeance, elle se donnait un surcroît de soucis. Il y avait 3 mois que son amie était là, et en ce moment, elle se demandait si elle haïssait encore celle qui reposait là sous ses yeux. Une lettre pour vous, mademoiselle. Un messager vient de la porter. Une femme de chambre apportait une enveloppe sur le plateau du courrier. Merci, Lise. Brigitte ne s'était pas éveillée et tout de suite, Marianne ouvrit le pli. Une écriture inconnue qui l'intriguait. C'est avec surprise qu'elle lut ces mots brefs. Mademoiselle, il faut absolument que je vous parle. Je suis venue de Paris spécialement pour cela. Je me trouve à l'auberge du village. Téléphonez-moi pour me fixer un rendez-vous le plus tôt possible, à moins que vous ne puissiez venir dès ce soir sur la route de Saint-Raphaël à la sortie du village. Je vous y attendrai jusqu'à 6 heures. Jacques Darcy. Un petit chantage sans doute, pensa Marianne. Décidément, ce monsieur est fort intéressant. J'avais bien choisi. Pauvre Brigitte. Tout de suite, elle se reprocha ce mouvement de pitié et fut sur le point d'éveiller la dormeuse, mais elle se ravisa. Un coup d'œil à sa montre lui avait appris qu'elle avait le temps de se rendre immédiatement au rendez-vous fixé par Jacques Darcy. Elle allait d'abord liquider l'impudent personnage. Le garçon marchait sur la route, tête baissée, absorbé sans doute dans ses pensées, et il tressaillit lorsque Marianne l'interpella. Allons nous asseoir quelque part sous ces arbres, monsieur. Nous n'allons pas discuter au milieu de la route. Je vous écoute, fit Marianne lorsqu'il eut pris place auprès d'elle après quelques pas parcourus en silence. C'est seulement à ce moment qu'elle remarqua le visage ravagé de Jacques Darcy, les pommettes encore plus saillantes dans le visage amaigri. Il lui tendit un papier en disant d'une voix sourde « Voici un chèque, mademoiselle. C'est le remboursement intégral des sommes que vous avez dépensées pour moi. » Marianne ne put réprimer un mouvement de surprise. « Mais vous ne me devez rien. Vous m'avez rendu un service, je l'ai payé, nous n'avons plus rien à nous dire. » « Si, j'ai, moi, beaucoup de choses à vous dire. J'avais besoin d'argent, vous m'en offriez sur le champ et j'ai accepté une chose indigne de moi, d'elle surtout. Car elle m'aime, et je l'aime aussi. J'ai joué avec le feu et je me suis brûlé si grièvement qu'elle seule peut me guérir. Vous m'avez ordonné de partir, j'ai obéi. Quand vous avez surgi devant moi, le matin où je devais emmener Brigitte, je vous fuyais. Je voulais vous écrire en vous disant que je vous rembourserais. Je voulais éviter que Brigitte connaisse ma vilenie. Depuis mon retour, j'ai travaillé pour réunir la somme que je vous devais, pour retrouver la confiance de mes oncles, déçus par ma conduite passée. Maintenant que je vous rends cet argent, je me considère comme délié de la promesse que je vous avais faite de disparaître de la vie de Brigitte. Je vais la rechercher, devrais-je remuer les 2 continents, et je lui confesserai ma faute, si elle ne la connaît déjà par vous, mais il faut qu'elle sache que je l'aime vraiment, profondément, assez pour lui demander d'être ma femme, si elle veut bien pardonner la faute initiale. » Machinalement, Marianne avait pris le chèque qu'elle roulait et déroulait entre ses doigts en écoutant le plaidoyer de Jacques Darcy. « Et si je refusais ? » demanda-t-elle simplement. Les yeux de Jacques étincelèrent. « Si vous refusez, cet argent sera adressé, en votre nom, à une fondation philanthropique quelconque, et je vous braverai. Je ne crains pas le scandale. Vous pouvez tout raconter à Claude et aux autres. Tous mes amis m'ont su joueur, de ceux qu'ils considéreront comme une bonne plaisanterie, parce qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Nul être au monde, pas même vous, ne peut m'empêcher de retrouver Brigitte, de lui crier mon amour, de tenter ma dernière chance d'être heureux. » Marianne était stupéfaite. Ainsi donc, Jacques aimait Brigitte à ce point. Loin de venir demander de l'argent, il apportait ce chèque pour se délier de ses engagements. Pour cela, il avait rompu avec ses anciennes habitudes de dissipation. Il était devenu un autre homme, prêt à braver le scandale, à s'humilier devant Brigitte. La jeune fille sentait qu'elle tenait entre ses mains le destin de deux êtres qui s'aimaient comme elle et Gérard autrefois. Mais il n'y avait rien d'irrémédiable entre eux, que sa haine. Elle pouvait refuser l'argent de Jacques, il passerait outre. Elle pouvait mentir encore, dire à Brigitte qu'il était venu lui soutirer de l'argent, elle ne la croirait sans doute pas. Son amie, malgré ses révélations, restait convaincue de l'amour de Jacques. Brigitte, maintes fois, l'avait crié dans un sommeil délirant. « Jetez cet argent, Jacques, il me brûle. C'est moi que vous aimez. Attendez-moi, ne partez pas !» Ces deux êtres se retrouveraient, quoi qu'elle pût tenter pour les en empêcher, et d'ailleurs, leur malheur faisait-il actuellement le bonheur de Marianne? Non, elle devait s'avouer que, loin de la diminuer, la peine de Brigitte s'ajoutait à la sienne. Elle avait cru trouver un adoucissement en faisant le mal. Créer du bonheur, au contraire, là, sans doute, était le secret de cette paix qui la fuyait de plus en plus depuis ce soir où elle avait réuni Jacques et Brigitte. « Nous n'avons plus rien à nous dire, mademoiselle. » Jacques, devant le silence prolongé de Marianne, reprenait sans y songer la phrase qu'elle avait prononcée quelques instants plus tôt. « Permettez-moi de partir, » continuait-il. « Non, » dit Marianne, « non, je vous délie de votre promesse, mais je ne garderai pas cet argent moi non plus. Il ira, comme vous le souhaitez, à une œuvre charitable. Une question encore. Je vous écoute. Que ferez-vous si Brigitte vous refuse son pardon? Je la retrouverai et je sais qu'elle pardonnera. L'amour est capable de miracles. » « Sans moi, vous n'eussiez pas connu Brigitte, » remarqua Marianne rêveuse. « Sans vous, je l'eus peut-être conquise sans avoir à rougir de moi. Il est vrai qu'à cause de cette aventure, je suis devenue un autre homme. J'ai mieux à offrir à Brigitte maintenant qu'il y a 3 mois. Je suis capable d'assurer ma vie et la sienne si Dieu veut que je la retrouve. » Il y avait tant de détresse dans ces mots, tant de chaude tendresse dans la façon dont Jacques disait « Brigitte » que Marianne se sentit vaincue, définitivement cette fois. Une vague de douceur déferla en elle, balayant la haine mauvaise, apportant un souffle pur. Non seulement elle cessait de vouloir faire souffrir Brigitte, mais encore, elle allait abréger cette souffrance puisqu'elle en avait le pouvoir. Un grand apaisement descendait en elle, tandis qu'elle disait à Jacques « Je vous demande une dernière faveur avant de vous dire un adieu définitif. Elle est accordée d'avance. Venez jusqu'à la maison. » Le visage de Darcy se rembrunit. « Je ne suis guère sociable en ce moment et j'aurais souhaité reprendre le train ce soir même. » Marianne eut un sourire dont Jacques ne put comprendre l'ironie douce. « Vous avez promis d'avance. » « Soit, mais je ne vois guère l'utilité d'une telle visite. Vos parents ne me connaissent pas, seul peut-être Claude aurait plaisir à me rencontrer, bien que, je vous le répète, je n'ai nulle envie de revoir ceux et celles qui sont mêlés dans mon passé. » « Vous n'êtes guère aimable, » remarqua Marianne, qui s'était levée et prenait le chemin conduisant au Pignan. « Excusez-moi, Je pensais seulement à la bande un peu folle dont je faisais partie et que vous n'avez pas connue. » La jeune fille allongeait le pas et très vite, ils furent à la villa où Marianne laissa Jacques dans un petit salon. « Excusez-moi, dit-elle, quelques ordres à donner et je vous rejoins tout de suite. » Le jeune homme tenta encore une fois de s'esquiver. « J'ai tenu ma promesse, je suis venu jusque chez vous. À quoi bon m'y garder ? Je vous répondrai en revenant. » Marianne s'en fut tout droit dans la chambre de Brigitte qui s'étonna. « Tu m'as laissé bien longtemps cet après-midi. Mais tu as dormi très longtemps aussi. J'ai eu envie de faire un tour. Au fait, as-tu rêvé de ton Jacques ?»« Marianne !» Les yeux de Brigitte s'étaient remplis de larmes et elle ajouta timidement « Je croyais que jamais plus !» Marianne alors s'approcha de son amie, l'embrassa fougueusement, murmurant à son oreille « Non, Brigitte, jamais plus, sois sans crainte. Mais tu l'aimes encore, n'est-ce pas ? Comment pourrais-je l'oublier ? Mais tu me laisses encore ?» dit-elle en voyant Marianne se diriger vers la porte. « Je reviens tout de suite !» criait la jeune fille déjà dans l'escalier. Quelques instants plus tard, elle ouvrait à nouveau la porte de son amie, poussant devant elle Jacques éperdu. « Une visite pour toi, Brigitte !» Et Marianne s'en fut très vite, bouleversée par le double cri. « Jacques ! Vous ?» Aveuglée par les larmes, larmes de tristesse, larmes de regret, larmes de joie aussi, d'avoir triomphé de la haine.